Bonjour les copains, c'est RTL de Tout va bien. Et il est 6h, bon réveil. C'est l'heure des infos tout de suite avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Le compte n'y est pas pour les agriculteurs. Après des heures de négociations, la présidente de la FNSEA a quitté cette nuit le ministère déçue. Elle estime que les propositions du gouvernement sont insuffisantes pour mettre fin au blocus des raffineries contre les importations d'huile de palme. De son côté, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, se dit au contraire plutôt optimiste quant au déblocage des dépôts de carburant. 30e jour de grève à la SNCF. Comptez en moyenne 2 TGV sur 3, 3 Transiliens sur 5 et 1 TER sur 2. Hier, la direction a recensé 17% de grévistes, dont 53% parmi les conducteurs. De son côté, la CFDT Cheminots appelle à suspendre le mouvement durant la période du bac, du 18 au 28 juin inclus, au moins sur les TER et les RER. Et puis attention, si vous prenez le train en Ile-de-France, on vient de l'apprendre, la circulation est totalement interrompue, gare Saint-Lazare, en raison d'une panne de signalisation. La SNCF invite les passagers des lignes LJ Intercité et TER Normand à reporter leur déplacement. À Paris, les otages sont sains et saufs. Hier, un homme de 26 ans a retenu pendant 4 heures deux personnes dans un immeuble du 10e arrondissement. Finalement, la police a donné l'assaut dans la soirée. Il a été interpellé. La piste terroriste n'est pas privilégiée, connue pour petite délinquance. Le suspect, qui n'était pas fiché S, est décrit par le ministère de l'Intérieur comme déboussolé. La polémique enfle autour de l'Aquarius, ce bateau de l'ONG SOS Méditerranée qui vient en aide aux migrants. Hier, Emmanuel Macron a dénoncé le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien qui a refusé d'accueillir les 630 réfugiés qui étaient à bord du navire. Réponse de Rome, nous n'avons pas de leçons hypocrites à recevoir d'un pays comme la France. Les demandeurs d'asile ont entamé hier soir leur traversée pour l'Espagne qui leur a ouvert ses portes. Le foot et ses inquiétudes dans le camp tricolore à la veille du coup d'envoi du mondial. Hier, Kylian Mbappé a quitté prématurément l'entraînement, touché à la cheville. Il s'est finalement montré rassurant sur son compte Twitter. En revanche, déjà absent la veille pour des douleurs au genou, Djibril Sidibé et Samuel Umtiti se sont contentés de courir sans participer à la séance collective. On passe à la météo. 13 départements restent en vigilance orange, pluie et inondations ce matin. Mais globalement, le temps est enfin à l'amélioration sur une majeure partie du pays avec la fin des orages. Il y aura encore quelques petites pluies dans la matinée entre les Pyrénées et les Alpes ainsi qu'en Corse et sur le Jura. Ailleurs, le ciel assez chargé en début de journée s'éclaircira l'après-midi et le soleil finira par s'imposer un peu partout. Les températures, elles sont en baisse. Ce matin, il ne fait que 11 degrés à Paris, 13 à Dunkerque, Belfort et Clermont-Ferrand, 14 à Quimper, 15 à Corté et 18 à Perpignan. L'après-midi, on attend 17 degrés au Havre, 19 à Tours et Strasbourg, 20 à Paris et Mâcon et 24 à Cavalaire-sur-Mer. Bon réveil avec le double expresso RTL 2, le son paproque. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. Where my skin grows old, where my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, a bullet from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, silence hit so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost long. It was almost long. When I when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I it was almost love. It was almost love. It was almost love. It was almost love. Rag & Bone Man dans le double expresso RTL de Skin. Grégory Achère et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL 2. 6h06, hop hop hop, c'est pas le moment de faiblir. Bonjour à tous et bienvenue, on attaque ensemble une nouvelle journée. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. 394e édition du double expresso RTL 2. Je le sais parce que c'est Jérémy qui fait les comptes, c'est lui qui est aux manettes. Bonjour Jérémy. Bonjour, ça va bien? Et tu te rends compte que sur le conducteur devant moi, tu n'as pas mis le numéro, mais je le connais par cœur. Bravo, voilà. Je te félicite. Ça va? Ça va bien. Bon, bonjour Jonathan O'Donnell. Bonjour Grégory Achère, bonjour Justine. Bonjour. 6h55. Et 8h55 aussi, je suis là. Il est avec vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, c'est Max. Bonjour. Salut la compagnie. Salut la compagnie. Tic-a-tic-a-tom. Vivi est au standard jeu d'RTL2, le 3228, vous l'appelez dès maintenant pour le tube de la brosse à dents. Justine, un mot important sur la Croix-Rouge quand même. Oui, j'ai croisé des bénévoles hier, je me suis dit que ce serait sympa d'en parler à l'antenne. En ce moment, vous croisez des bénévoles qui vont à la rencontre du public pour récolter des dons, puisque ce sont les journées nationales de la Croix-Rouge jusqu'à dimanche. Bon, pour se mobiliser, c'est très simple, soit auprès des bénévoles que vous croisez dans la rue, soit sur le site soutenir.croix-rouge.fr, où vous pouvez aussi acheter un petit carnet de timbres, offrir ces fleurs à votre destinataire et donner 2 euros à la Croix-Rouge. C'est en partenariat. C'est voilà. C'est extrêmement bien d'en parler et c'est vrai qu'ils sont à tous les feux, tous les stops en ce moment, et si on peut donner, on le fait avec grand bravo, plaisir. Bravo, félicitations. Voici les Quido, Narcotiques. And the month it all began, will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Wax, fitted out with greater cracks, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. Now, I hate to leave you bare, if you need me I'll be there, don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in touched your face. Narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine. Calls for the stuff you'd rather blame. And I touched your face. Narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Nous sommes les seuls à vous offrir ce son pop rock de Liquido Narcotique à 6h11 pour bien attaquer ensemble ce mercredi matin. Alors la Coupe du Monde commence dans un jour, un J-1 avant Russie-Arabie Saoudite et le match d'ouverture. L'équipe de France était la conquête de sa deuxième étoile sur le maillot. Nous, c'est 4 étoiles qu'on vous offre à l'hôtel Thalasso Spa côté des Flamants Roses à Canet-en-Roussillon. Je me demandais où t'allais là. 32-28 pour jouer avec nous. Type de la brosse à dents. J'y ai pensé 10 secondes avant, je me suis dit, hey, je vais épater Juju moi. Son pop rock, j'y arrive ou pas? Il sera avec nous demain. C'est la nouvelle chanson de Lenny Kravitz, L'eau. Oh, et puis, tu bois pas de café, toi? Non, je bois pas de café. Bon, ben, oui, je bosse dans le double expresso et je ne bois pas de café. Aucun jugement. Le café, c'est notre spécialité. Ben, moi, je vais vous apprendre quelques trucs étonnants sur le café. Restez avec nous sur RTL2. RTL2 vous invite au mythique festival américain Lollapalooza, samedi 21 et dimanche 22 juillet à Paris. Deux jours, quatre scènes et 50 artistes. Depeche Mode, Gorillaz, The Killers, Ragan Bonham, Noel Gallagher's High Flying Birds, Portugal The Man, Kaleo. Restez bien à l'écoute d'RTL2, la radio pop rock. Air France. France. La France. Is in the air. Tu les aimes, mes gens? Ah oui, beaucoup, oui. Et tu les aimes comment? Longues. Oui, mais comment? Je sais pas. Mais bronzées, tant qu'à faire. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez Pointe-à-Pitre au départ de Paris à partir de 299€ jusqu'au 13 juin 2018. Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 10 septembre au 7 octobre 2018. Bonjour, je viens de voir l'annonce BMW Série 1 M Sport Ultimate à 295€ par mois. Oui, et sans rien à ajouter. Mais le prix, c'est pas celui du superbe modèle en photo là? Si, c'est celui de la BMW que vous voyez. Sans aucun apport? Aucun, avec tout l'équipement indiqué, mais aussi l'entretien et l'extension de garantie inclus. Ça, c'est 100% clair. Découvrez la BMW 1/16i M Sport Ultimate à 295€ par mois sans apport pendant les BMW Speed Dates. LLD 36 mois, 30 000 km jusqu'au 30 juin. Détails sur bmw.fr. Speed Dates, rencontre rapide. Paris on sport. Et voilà, c'est fait. 6-0. Oui, 6 jolis zéros bien alignés après le chiffre 3 et qui donne un super pacte lotofoot de 3 millions d'euros à gagner ce vendredi. Oh là là, que c'est beau! 3 millions, oui, c'est très beau. Encore plus dans le match avec Paris on sport. Ce vendredi, ne manquez pas le super pacte lotofoot de 3 millions d'euros minimum. Montant partagé au rang 1, lotofoot 15. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Tous les jours, partout en France. RTL2, le son pop rock. Quelque chose. le dernier Lenny Kravitz, Low sur RTL2, le son pop rock. If you wanna talk to me, know that I am plain to see, yeah, yeah, yeah. I don't want this fame to be staining my reality, yeah, yeah. Avec nous vendredi à partir de 8h. C'était Low, sa nouvelle chanson sur RTL2. L'Info Expresso, RTL2. L'Info Expresso, tous les jours, on fouille la presse, le web pour vous. Oui, gradia.fr et je vous parle de café ce matin parce qu'on est dans le double expresso évidemment. Ouvrez tous vos micros autour de la table et vous réagissez parce que je ne sais pas ce que vous mettez dans votre café ou votre thé ou votre chocolat suivant ce que vous buvez parce que nous n'avons pas que des buveurs de café. Par exemple, Justine, tu mets quoi dedans? Tu mets quelque chose, un sucre, pas de sucre? Je mets vous savez, le sucre allégé là, l'aspartame. Oui, l'aspartame, ouais, d'accord. Voilà. Sucrète quoi. Sucrète, ouais, voilà, Jérôme, sucrète. Pareil. Moi, c'est du lait et des sucrètes, oui. Lait, toi, beaucoup ouais, de lait. Toi, beaucoup t'as autant, ouais, beaucoup de lait. Et toi, Jonathan? Je ne bois pas de café, je n'aime pas ça. Oui, mais chocolat. Bah moi non ou thé. Plus, dans mon thé, je mets. Je n'aime pas les boissons chaudes. Non, mais c'est pas possible. Il n'aime pas les sauces, il n'aime pas les boissons chaudes. Je vous rappelle que Jonathan chiant. Va au McDo et mange un burger sans sauce. Avec du pain. Bon, alors. Serré, latté, allongé, thé, café, tout ça. Non, c'est fini, on oublie. Maintenant, dans votre café, vous mettez du brocoli. mais qu'est-ce que c'est Non, mais je suis très sérieux. C'est une création du CICERO, l'organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth, donc les pays allés sous les ordres de la reine d'Angleterre ou anciennement, et du groupe d'agriculture Hort Innovation. En fait, pour faire court, c'est pour consommer mieux les légumes moches. Tu te rappelles de ces légumes moches? Oui. Mangez-les, oui. Ils sont moches, mais ils sont bons. Bon, et ben là, plutôt que de les jeter et de les perdre, ils se sont aperçus qu'en fait, ils pouvaient donner une seconde vie à ces légumes moches. Ils les sèchent, ils les broient, ils les transforment en une fine poudre. Et après, cette fine poudre, on peut la mettre dans différents plats tels que le café, les soupes ou les smoothies. 2 cuillères à soupe de poudre correspondent à une portion de brocoli. Ça vous enlève pas le goût de votre aliment, mais ça vous permet d'ingérer des légumes et de donner une seconde vie à ces légumes moches. Pourquoi pas, écoute. Bah moi, ils sont attaqués au café parce que c'est la boisson la plus bue, on va dire, par les plus adultes. Non, mais j'étais mitigée au début de ton info. En fait, je suis presque convaincue. Oui, au début, c'était la grimace. Ouais. Et là, limite, t'as envie d'un petit café brocoli. Là, j'ai envie de te dire. Bon, le double expresso brocoli, à partir de septembre, on se fait ça? Ça va cartonner, ça. Je pense que là, on va mettre le feu aux ondes, hein, c'est sûr. And the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till 4. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his Motley Crue. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? This is the life sur RTL de 6h25. Voici l'horoscope de ce mercredi matin. On y va, Justine, avec les médailles de bronze et les cancers. Vous avez du mal à faire confiance aux autres. Ne soyez pas si méfiant. Balance. Vous êtes un peu trop extraverti. Laissez de la place aux autres. Sagittaire. Vous êtes de mauvaise humeur. C'est comme ça et tout le monde devra faire avec. Alors, bim. Médaille d'argent, les béliers. Vous savez résoudre les conflits. Un vrai médiateur. Taureau. Vous avez de la chance ces derniers temps. Les petites victoires s'enchaînent. Gémeaux. Vous en faites beaucoup pour vos proches. Quand on aime, on ne compte pas. Les lions. Vous savez choisir les projets qui valent le coup, une clairvoyance qui n'est pas donnée à tout le monde. Les scorpions. Vous êtes populaire au travail en ce moment, profitez-en. Capricorne. Vous n'avez pas une seconde à vous, il faut dire que vous êtes devenu indispensable. Les Verseaux. Vous savez prendre du recul quand il le faut, les conflits, très peu pour vous. Les poissons. Il y a de belles rencontres dans l'air, laissez-vous porter. Et puis la médaille d'or du jour, c'est pour les vierges. Le karma est de votre côté ce matin, tout va dans votre sens. Mary-Kate et Ashley Olsen, ça vous dit quelque chose? Les deux petites sœurs jumelles, elles jouaient dans la fête à la maison. Ah, c'est il y a longtemps ça. Avec Oncle Danny. Exactement. Ça cartonnait ça. Hein.

La météo, 13 départements restent en vigilance orange, pluie, inondation ce matin. Mais globalement, le temps est enfin à l'amélioration sur une majeure partie du pays avec la fin des orages. Il y aura encore quand même de la pluie dans la matinée entre les Pyrénées et les Alpes, ainsi qu'en Corse et sur le Jura. Ailleurs, le ciel assez nuageux en début de journée va s'éclaircir au fur et à mesure. À l'après-midi, le soleil finira par s'imposer un peu partout sur le pays. Les températures ce matin, il fait frais, 10 degrés à Metz, 11 à Paris, 12 à Calais et Auxerre, 13 à Saint-Brieuc, 16 à Alès, 19 à Cargès. L'après-midi, on attend 15 degrés à Saint-Flour et Deauville, 19 à Dijon, 20 à Paris, 22 à Nantes et 24 degrés à Saint-Tropez. 6h32, Jérémy, English Lesson, quel voilà. est le titre de news? Undisclosed Desert. Voilà. Voilà. Et puis bon réveil. Ailleurs, hein, Jérém, 6h35. Pas mal. Bah ouais. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Franchement, c'était presque ça, c'était la même chose. Oh bah moi, pour moi, j'ai fermé les yeux, c'était pareil. Merci. Bon, Ivanka Trump, elle fait pas comme Jérém en termes de traduction, la fille de Donald Trump, mais par contre, elle invente des proverbes. C'est notre winneuse du jour. Parce qu'hier, vous le savez, il y avait ce fameux sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Ah oui, bah oui, on en a entendu parler. Elle a fait comme papa, elle a posté un tweet. Bah alors, elle a écrit dans son tweet un proverbe chinois, nous dit-elle. Le sceptique ne doit pas interrompre celui qui agit. Proverbe chinois. Sauf que, bah, problème, c'est que bah, les Chinois n'ont jamais entendu parler de ce proverbe. Ah, en fait, le truc, c'est que c'est pas du tout un proverbe chinois. Ça ne veut rien dire du tout. Donc, elle est comme son père, quoi. Ah, bah là, c'est-à-dire que là, vraiment, ils sont tous interloqués. Ils se demandent pourquoi elle raconte ça. Alors, ça m'a fait penser à toi, ma Juju. Parce que les garçons vont confirmer. Sans une once de méchanceté, mais avec beaucoup d'humour et d'amour, Justine, tu inventes souvent des expressions. C'est ta passion. Oui. C'est vrai. T'en as quelques-unes comme ça, là, dans le tiroir. Ouais. Par exemple, je dis, faut pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir mangée. Ah oui. Je sais que j'ai dit ça, ouais. Oui. Alors, je vais le dire, c'est pas le bout encore, ça. Ma femme, une fois, m'avait dit, mais arrête de te prendre pour le roi de Proust. Mais mélange de tout. Mais bordel, mais alors. On l'embrasse. Ah oui, là ça roupille, hein. Incroyable. Je disais aussi à Pierre qui s'enroule n'amasse pas mousse. C'est Pierre qui roule. C'est tout simple. Et puis surtout, tu nous en avais offert une il n'y a pas si longtemps. Hein. On a eu un long débat dans l'émission. C'était, tu nous avais dit, ça casse pas trois pattes et un canard. C'est-à-dire qu'elle voulait casser à la fois trois pattes et le canard, justement. Et en plus, j'étais persuadée de mon expression. Hein. Il est temps que ton papa devienne président de la République, qu'on ait des tweets à la hauteur de celles et de ceux d'Ivanka Trump. Non. Hein. Sting, Eric Clapton, It's Probably Me sur RTL 2. And the stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You'd ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one would you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It's hard for us both that I feel unsure. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who'd lay down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. All you need to see. And if that's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, was probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it. to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, Sting et Eric Clapton, It's Probably Me dans le double expresso RTL. Ils sont deux comme nous, t'as remarqué, c'est rigolo. On va jouer. C'est vraiment très marrant. Hein. On va jouer au tube de la brosse à dents. Elle appelle nous 3228 pour gagner un séjour dans un hôtel 4 étoiles. A tout de suite sur RTL 2, on écoutera Ram Jam. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Cette semaine dans le Drive RTL 2, on vous invite au concert d'un groupe mythique, les Rolling Stones. Vous jouez avec nous au Blind Test du Drive à 17h30 et on vous offre le concert des Stones. Ça va se passer le 26 juin au Stade Orange Vélodrome de Marseille et RTL2 s'occupe aussi du transport et de l'hébergement pour aller voir les Stones. Alors à tout à l'heure. Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL2. Pendant les journées Audio All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Du 8 au 17 juin, profitez en exclusivité d'offres de financement exceptionnelles avec entretien et extension de garantie offerts sur toute la gamme Audi, chez tous les partenaires, partout en France. Rendez-vous chez votre partenaire Audi ou sur audi.fr. Offre de location avec option d'achat réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Voir détails et conditions sur audi.fr. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Je suis ces 64 matchs à ne pas manquer. Ce but qui marquera l'histoire. Le souvenir de 98 qui nous mènera à la victoire. Je suis le match, les débats, l'avant, le pendant, l'après. Je suis plus qu'un supporter, plus qu'une équipe. Je suis la Coupe du Monde sur beIN Sport. Demain, vivez le coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA avec 100% des matchs, dont tous ceux de la France, en direct, seulement sur beIN Sport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beIN Sport.com. Bienvenue chez votre distributeur Skoda. Monsieur Thomas pour vous aider. Oui, c'est Monsieur Guyet. La Skoda Octavia, elle a la garantie 5 ans offerte? Oui, Monsieur Guyet. La garantie 5 ans est offerte sur toute la gamme. Bienvenue chez votre distributeur Skoda, Monsieur Thomas. Et le Skoda Kodiaq, vous allez pas me dire qu'il a aussi la garantie? Monsieur Guyet, la garantie 5 ans est offerte sur tout. À l'occasion des jours Nouveau Départ ce week-end, venez profiter de la garantie 5 ans offerte sur toute la gamme Skoda. Oui, toute la gamme. Offre à particulier jusqu'au 19 juin 2018. Conditions sur skoda.fr. Le son pop rock RTL2 vous accompagne partout avec l'appli RTL2. Oh, Lord, my trouble so hard. Oh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. On va jouer au tube de la brosse à dents dans le double expresso RTL de d'ici quelques secondes. Bonjour à tous, bonjour Justine. Salut Greg, salut tout le monde. Voici les plats les plus commandés sur Deliveroo. Vous savez qui vous livre à manger à Paris, c'est les burgers. Oui. À Strasbourg, ce sont aussi les burgers. À Bordeaux, c'est le poulet. À Nantes, chez toi, oui. Burger. Oui, bah chez moi aussi. Et à Lyon et Marseille, les tacos. Et c'est à Toulouse où on mange japonais avec Jérémy. Qui adore ça, qui mange tout le temps dès qu'il peut. C'est plutôt assez amusant. Clermont-Ferrand, les burritos. Étonnant. Oh, étonnant. Ah oui, étonnant. Tiens, on fait quoi des burritos? Y a pas à l'esprit tout de suite là quand même. Oh, Black Betty, bam lam, whoa, Black Betty, bam lam, Black Betty had a child, bam lam, the damn thing gone wild, bam lam, she said a word none of mine, bam lam, the damn thing gone blind, bam lam, I said, oh, Black Betty, bam lam, whoa, Black Betty, bam lam. She really gets me high. Bama Lamb, you know that's no lie. Bama Lamb, she's so rock steady. Bama Lamb, man, she's always ready. Bama Lamb, whoa, Black Betty. Bama Lamb, whoa, Black Betty. Bama Lamb. Get it. Birmingham, Bama Lamb, way down in Alabama. Bama Lamb, well, she's shaking that thing. Bama Lamb, boy, she makes me sing. Bama Lamb, whoa, Black Betty. Bama Lamb, whoa, Black Betty. Bama Lamb. C'est le double expresso RTL 2 et on vient d'écouter le Ram Jam. RTL 2, le tube de la brosse à dents. Bonjour Gaëtan. Grégory, bonjour Justine. Salut Gaëtan, ça va? Oui, très bien, et vous? Ça va très bien. Alors Gaëtan, vous avez 18 ans. Donc oui, c'est ça. On pourrait presque se dire tu. Vous habitez à Pierrefeu-du-Var, c'est pas très loin de Toulon, c'est ça? Oui, c'est pas très loin de Toulon, effectivement. Alors racontez-moi ce que vous faites aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, je vais voir RTL 2 à Marseille. Ah, ah ouais, la station locale RTL 2 Marseille qu'on embrasse, qu'on salue évidemment. Bien sûr, comme on les embrasse. Comme tous nos localiers qui sont avec nous chaque matin, chaque journée, évidemment. Alors Gaëtan, vous êtes fan d'RTL 2, ça nous fait plaisir. Oui, et on espère que vous allez pouvoir gagner un très beau cadeau. Parce que là, pour le coup, on a un petit week-end assez luxueux, Justine. Un séjour à l'hôtel 4 étoiles, Thalasso Spa, les Flamants Roses, c'est à Canet-en-Roussillon. Vous avez l'hébergement compris, le petit-déj et 8 soins par personne. Wow. Vous rendez compte? Alors Gaëtan, je vous présente Bruce Springsteen. Salut Bruce. Oh yeah, bonjour les pop-rockers et bonjour mon get-get, la forme. Get-get. Oui, la forme. Super. Allez Gaëtan, on y va, on écoute la chanson de Bruce. Bonne chance. Alors, Gaëtan. Alors, je sais. Ah, c'est Next to Me. Oui, bah voilà, avec Il crache du feu, donc c'est facile. Oui. C'est le groupe. Imagine. Allez. Vous m'avez dit Imagine toi. Non mais vous avez le titre. Il avait le titre. Next to me, Imagine Dragons. Oh yeah. Oh, je suis trop content. Ça, c'est les nouvelles règles. règles de Greg. On a dit que vous gagnez. C'est pour, valide. C'est pour avoir tout le service cadeau qui vient me mettre des taquets après pendant toute la journée. Et Jules, notre coordinateur. En plus, j'ai entendu hier soir. Bah voilà, elle est bravo. Géniale, cette chanson. Bravo Gaëtan, on vous souhaite une bonne journée, une bonne visite à RTL de Marseille, évidemment. Merci beaucoup, je suis trop content. Franchement, vous m'avez fait bien commencer la journée. Je suis trop avec content. Plaisir, on vous souhaite une bonne journée Gaëtan. Et Gaëtan, grâce à vous, on va écouter Next to Me. Mais avant, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2? Un double expresso. Eh oui. My living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering. Du moment incontestablement Imagine Dragons Next to Me sur RTL 2. Le double expresso RTL 2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Et puisqu'on parle de beauté. Ah ben non. Bonjour Jonathan O'Donnell. Tu commençais bien ce teaser, je trouvais. Hein. Puisqu'on parle de beauté, il est là. Exactement. Le roi de l'humour, je t'ai tout mis là. Ah, c'est la totale salade tomate-oignon dans le lancement. Bonjour Jonathan, bienvenue pour le top 3 de l'actu. Et bonjour à Justine. Oh, évidemment. Et bonjour mon petit chat. Je suis content d'être avec vous. Bonjour, on va parler de transport. Bientôt, des vélos électriques connectés et intelligents arrivent à Paris avec une équipe chargée de les récupérer s'il y a un voleur en dérobe un. Pas mal. Une équipe chargée de récupérer un objet volé. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train d'inventer la police, ces mecs-là? C'est pas mal. Concept. À creuser. Parce que là, on galère. Bon. Écologie, à partir de 2020, la principauté de Monaco va interdire les pailles dans les bars, ainsi que les couverts en plastique. Ah. Donc, ce qui, selon moi, ne va rien changer pour les habitants. Ils mangent pas tous avec des couverts en or, ces mecs-là. Cliché. Qu'est-ce qu'ils foutent avec des couverts en plastique? N'importe quoi. Et on termine par de la santé. Hein. Selon des infirmières de Namur en Belgique, le selfie pourrait être à l'origine d'une épidémie de poux chez les ados. Quelle horreur. Ah bon? Ouais, il paraît. Après, hein, ça peut aussi venir du fait qu'ils prennent une douche qu'une fois par semaine. Hein. Il y a un lien à mon avis. Il faudrait leur foutre un sapin aux ados en guise de collier. C'est bizarre qu'adolescent, bah, il passe doucher quand même. Moi je sais pas, C'est comment ton fils Greg? Non, ça se lave. Ça se lave. On le chope, coup de pied aux fesses sous la douche. Bon, fou, Lost on You, LP à suivre sur RTL 2, il y aura aussi Michael Jackson. RTL 2 vous invite au mythique festival américain Lollapalooza, samedi 21 et dimanche 22 juillet à Paris. Deux jours, 4 scènes et 50 artistes. Depeche Mode, Gorillaz, The Killers, Ragan Bone Man, Noel Gallagher's High Flying Birds, Portugal The Man, Kaleo. Restez bien à l'écoute d'RTL2, la radio pop rock. Ce week-end, ce sont les portes ouvertes Peugeot. Avez-vous déjà eu la chance d'être surclassé? De profiter de la classe affaires, d'une suite avec vue sur mer au lieu d'une chambre simple? Ou de conduire une Peugeot suréquipée? Car en ce moment, les séries spéciales style Peugeot bénéficient d'un équipement et de l'entretien offert. Alors, roulez suréquipé, roulez surclassé. Avec Peugeot, roulez surclassé avec style et bénéficiez d'offres exceptionnelles sur des Peugeot neuves suréquipées. Conditions sur offre.peugeot.fr. La première fois qu'on lui a proposé le badge télépéage Vinci Autoroute, Vincent a dit « Ah ça non, trop peu pour moi, je n'aime pas m'engager puis je prends pas l'autoroute assez régulièrement. » Ce à quoi on lui a répondu « Avec le badge Vinci Autoroute et la formule temps libre, c'est sans engagement et les mois où vous ne roulez pas, eh bien vous ne payez pas. Et quand vous payez, le paiement est différé jusqu'à 45 jours. » Alors Vincent a eu cette phrase historique, il a dit « Si c'est comme ça, je veux bien. » Vinci Autoroute, roulons autrement. Disponible en espace client sur vinciautoroute.com. Leclerc. Oh génial, t'as acheté des cerises. Chez Leclerc, des cerises françaises et à prix Leclerc. Elles sont délicieuses. Ah ben on est en plein dans la saison des cerises là. J'adore. Mais bon ben on se calme. Encore une. Du 12 au 16 juin chez Leclerc, la barquette de 750 grammes de cerises catégorie 1 calibre 26+, origine France, est à 3,49€, soit 4,65€ le kilo. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. T'imagines même pas combien j'aime les cerises. Ah si si, on a bien compris là. RTL2. Allô, bonjour, je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 6 490€. C'est une 5 portes ? Oui, 6 490€ avec 5 portes et vitres avant électriques. Et elle bénéficie de la prime à la conversion ? Évidemment, et du bonus EcoFiat. Mais elle a combien de kilomètres ? Elle est neuve madame. Fiat Panda est à partir de 6 490€, prime gouvernementale et bonus EcoFiat déduit. Le bonus EcoFiat, c'est la prime à la conversion sur toute la gamme et dès 7 ans. Offre sous condition de reprise jusqu'au 30 juin sur Panda 1 litre 2, détails sur Fiat.fr, portes ouvertes ce week-end. Fiat. Ma vie en mieux avec Bouygues Immobilier. Ah, on est bien dans notre appartement tout neuf. T'entends ? Bah non, j'entends rien. Les enfants viennent de se coucher et il n'y a pas un bruit, pas un son, pas un cri. Oh, quel changement ! Terminé les « Hey, il y a Thomas qui m'embête !» Fini les « Donne-moi ci, rends-moi ça !» Depuis qu'ils ont chacun leur chambre, on revit. Et en plus, on a fait de belles économies. Et oui, du 1er juin au 1er juillet 2018, Bouygues Immobilier vous offre 1 500€ par pièce. Bouygues Immobilier, créateur de mieux vivre, offre valable sous forme d'une réduction de 1 500€ par pièce principale dans la limite de 9 000€ par logement. Logement concerné et conditions sur bouygues-immobilier.com. Alerte Coyote. 90 km/h, 80 km/h, le changement de vitesse, c'est maintenant. Roulez toujours à la bonne vitesse avec Coyote. En ce moment, 80€ offerts sur nos boîtiers. Oui, 80€. N'hésitez plus. Coyote, roulez en sécurité et gardez vos points. Valable en France métropolitaine, conditions sur moncoyote.com. Le Suzuki Vitara est à partir de 14 590€. Et ça, ce n'est pas une légende. Le SUV de légende, le Suzuki Vitara, vous attend aux portes ouvertes ce week-end chez Suzuki Automobile. Prêt après déduction d'une remise et de la prime à la conversion gouvernementale. Valable jusqu'au 30 juin. Conditions sur suzuki.fr. Ouverture selon arrêté préfectoral. Avec ma carte La Halle, vous êtes privilégié. Pour vous et juste pour vous, La Halle réserve ses ventes privilèges. Des remises exclusives et totalement dingues sur une sélection de chaussures et de vêtements. À La Halle, il n'y a aucune raison de vous priver. C'est jusqu'au 26 juin. A tout de suite en magasin ou sur lahalle.com. La Halle, c'est vraiment vous. Conditions en magasin et sur lahalle.com. Noroto. Question. Pourquoi Noroto garantit tous les pneus au prix les plus bas ? Parce que j'ai pas envie de devoir expliquer à ma femme que notre week-end en amoureux est passé dans les pneus. Chez Noroto, tous les pneus sont en permanence au prix les plus bas. Sinon, Noroto vous rembourse la différence. Noroto. Conditions en centre et sur noroto.fr. Bonjour et bon mercredi matin. Bienvenue sur RTL2, il est 7h. Et c'est Raphaël Thomas qui est là pour les infos. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Le compte n'y est pas pour les agriculteurs après des heures de négociations. La présidente de la FNSEA a quitté cette nuit le ministère déçu. Elle estime que les propositions du gouvernement sont insuffisantes pour mettre fin au blocus des raffineries contre les importations d'huile de palme. De son côté, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, se dit plutôt optimiste au contraire quant au déblocage des dépôts de carburant. 30e jour de grève à la SNCF. Comptez en moyenne 2 TGV sur 3, 3 Transiliens sur 5 et 1 TGV

LP Lost on You sur RTL de 7h06. Bonjour. Grégory Achère et Justine Salmon. C'est nous. Le double expresso RTL 2 de 6h à 9h. Tout va bien ce matin, on est en pleine forme. Bonjour Justine. Salut Greg, bonjour tout le monde. Et puis bonjour à toute l'équipe. Vous savez, on fait le tour traditionnel autour de la table. Bonjour Jérémy qui réalise l'émission. Bonjour à tous. How are you, my dear? Hello. How are you? I'm fine, thank you. On a encore du boulot. English lesson. On n'est pas encore en train de faire les soldes à Londres avec toi quand même. On n'est pas encore là. Bonjour à Jonathan O'Donnell. Bonjour à Grégory Achère. Et bonjour à Max, notre responsable des réseaux sociaux. Et bonjour à tous. Tu vas bien? Yes, super. Bon. Vous nous rejoignez sur la page Facebook, Twitter. Justine a insisté pour la photo du jour, je tiens à vous le dire. Si vous êtes sur la page Facebook. C'est très étonnant. On a mis un filtre Snapchat qu'on n'assume pas beaucoup. Non, bah, on a une tête de chat, c'est pour vous dire. On retrouvera les chats d'ailleurs tout à l'heure, un petit peu plus tard. Ouais, dans les savoirs inutiles de 7h55. Si vous croisez un Anthony aujourd'hui, vous lui souhaitez sa fête. C'est la Saint-Anthony. Bah, salut les Anto, bonne fête. Michael Jackson, Smooth Criminal, Legal Eye Cherry et Jacob Banks. Quel programme dans le double expresso RTL 2. Bienvenue. Michael Jackson et Smooth Criminal dans le double expresso RTL 2. C'est bien de commencer cette journée avec vous. Il y aura l'info expresso à 7h18. Justine, et c'est mercredi aujourd'hui. Et le mercredi, c'est le jour des... Des sorties ciné. Des enfants. Ouais, ben ça marche aussi. Ah, j'ai trouvé une info expresso pour eux. Ils vont pouvoir conduire comme papa et maman. C'est pas vrai? Si. Ah voilà, une bonne nouvelle, tiens, l'horoscope à 7h25, la chanson du jour à 7h35 et puis la banque, hop, vous appelez 3228. Vous avez pas vu Greg, il a fait le geste. Hop, vous appelez, vous prenez le téléphone, il a pris ses doigts. J'ai créé un téléphone avec mon pouce et mon petit doigt. Et Greg, Sherry, Save Tonight pour le son pop rock d'RTL2, à tout de suite. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Portugal Thomas. Alice Merton. Vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre d'Ed Sheeran. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Et si vous viviez plus intensément les matchs des Bleus ? Moi, avec Orange, j'ai la Livebox. On va pouvoir suivre les matchs des Bleus comme jamais. Pareil. Mais moi, en plus, avec Orange, dans mon studio, les matchs sont en haute définition. Canapé ergonomique ? Pareil. Frigo dans les accoudoirs ? Pareil. Ouais, mais moi, je veux juste les regarder avec toi. Pareil. Ah. Ne ratez rien des matchs des Bleus avec la Livebox Zen à seulement 19,99€ par mois pendant 12 mois, puis 36,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Avec engagement 12 mois et selon éligibilité. 17€ par mois remboursé avec changement d'opérateur après le 17 mars. Détails sur odr.orange.fr. Le Suzuki Vitara est à partir de 14 590 euros. Et ça, ce n'est pas une légende. Le SUV de légende, le Suzuki Vitara, vous attend aux portes ouvertes ce week-end chez Suzuki Automobile. Prix après déduction d'une remise et de la prime à la conversion gouvernementale. Valable jusqu'au 30 juin. Conditions sur suzuki.fr, ouverture selon arrêté préfectoral. Vous avez un problème ? La Banque Postale a la solution. Ça fait 5 ans que je fais de la plongée en club. Mais quand j'ai voulu m'acheter mon propre équipement, c'était... Un ami m'a parlé de la Banque Postale et là, la solution. Avec le prêt personnel projet de la Banque Postale, j'ai enfin pu acheter un super matériel et dernièrement faire reporter une échéance sans frais. Fin prête pour... Renseignements en bureau de poste ou au 3639. 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Report d'échéance selon conditions contractuelles. Offre réservée aux particuliers. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Tous les jours, partout en France. RTL2, le son pop rock. Sanity, where have you gone? You leave at night, return at dawn. I fall from grace here in the dark. Turn the dive into a work of art. Somebody I don't know her name. My baby saw me, but I felt no shame. I start a fight with anyone who's in. Hurt everybody, but I feel no pain. I just wanna feel something. I just wanna feel something. Hear me now, laugh with the crowd. But inside the silence, screaming loud. Touch me now, my body is warm. But inside I'm frozen to the bone. I had somebody try to crush the but I'm not sorry for the hearts I stole. I wish I could give you tears from my eyes, but it seems that I've forgotten how to cry. I just wanna feel something. I just wanna feel something. I'm with you. turn that down. Il était l'invité il y a quelques jours du Drive RTL de Eagle Eye Cherry. Retrouvez toutes les photos, les vidéos sur rtl2.fr. On l'écoute ? Il n'a pas bougé, il n'a pas changé, je trouve, d'ailleurs. Incroyable. Save Tonight, Eagle Eye Cherry dans le double expresso RTL2. Merci en tout cas pour ce point lifting. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. 'Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Eagle Eye Cherry, Save Tonight, 7h19, c'est RTL 2. L'info expresso RTL 2. Vroom vroom, c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Oh là là. Et du coup, bah, je fais la voiture et bah, vous allez comprendre pourquoi. Vroom. Oui, vroom. Trouvez sur 20minutes.fr. Chauffeur, si t'es champion. Ça marche. Appuie sur champignon. Allez, on initie les plus jeunes à la conduite ce matin. Une auto-école de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, donc en Bretagne, a lancé il y a quelques semaines des sessions de baby-conduite. En fait, c'est pour des enfants à partir de 9 ans. Bah, c'est bizarre d'appeler ça baby-conduite. Oui, bon, bah, c'est pour les enfants. Oh, ado driver. T'appelles ta femme bébé parfois, bah, voilà, c'est pareil. Bah, alors, regarde-moi bien dans les yeux. Jamais, never. Jamais. Donc, contrairement à avant, en fait, la formatrice explique que les enfants n'apprennent plus les bases avec leurs parents. Ouais. Donc, elle a décidé d'initier les enfants en code de la route et à la conduite avec des modules d'une heure et demie. Donc, en fait, les sessions démarrent par une demi-heure de quiz pour apprendre les panneaux de signalisation. C'est pas mal. Ouais, ouais. Et ensuite, place à la pratique avec une heure de conduite au volant d'un simulateur pour apprendre à freiner, à changer les vitesses, à accélérer. Quand, je trouve ça pas mal. Quand t'étais à l'école, t'avais pas le truc, tu sais, dans les parcs où ils te faisaient la prévention routière avec un policier qui t'expliquait dans les petites voitures ou en vélo ce que moi tu voulais avec les vélo. Le BSR. Ouais, l'autre fois, j'ai emmené mon fils rouler en voiture sur l'autoroute. Il a pris les commandes pendant une heure et demie. C'était impeccable. Hein. Franchement, il a bien tracé. T'as pu dormir peinard. J'étais bien peinard. En tout cas, c'est nickel pour toi. Comme ça, tu vas pouvoir reprendre les bases tranquillement. On va pouvoir écouter Jacob Bank. Je la sentais arriver, mais de tellement loin. Elle est pas drôle, cette blague. C'est Jonathan qui me la souffle à l'oreille. Il n'y assume pas, en plus. Je conduis très bien. J'ai toujours mes 12 points. Pardon. On va dire Jacob Banks, Unknown, c'est nouveau. C'est une découverte RTL de écouter que ça, comme c'est beau. I believe what I said. Why does everyone have me wrong?